une très belle après-midi. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Cette semaine, le Rwanda. La nouvelle ne s'est répandue que ce matin à Kigali. De l'attentat. Accusant les coupables tout désignés. À l'opération. Vive l'armée française, vive l'intervention française. La radio gouvernementale ne cesse de répéter depuis hier ce slogan. C'est une opération humanitaire conduite dans un temps limité. La France était prête sans attendre l'arrivée de la force des Nations Unies. Le régime qui massacre aujourd'hui a été aidé, soutenu, armé par la France. La MINUA avait été réduite à peau de chagrin au tout début du génocide. Les massacres des civils se poursuivent. Sous le nez des forces françaises qui étaient là précisément pour sécuriser. Les pays qui, un par un, avaient promis d'envoyer des troupes. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces salauds? Les gens qui avaient besoin d'être sauvés, on se posait pas la question tout de suite, on prend qui, on prend quoi. Plus on avançait dans la mission, et plus on avait le sentiment qu'on était juste en train de soutenir les génocidaires. Et ça nous mettait dans un profond malaise. On a bien vu qu'en fait, ce qu'on protégeait, c'était la débâcle des forces gouvernementales, c'est-à-dire des forces qui avaient commis le génocide. Moi, je suis un ancien officier français. J'ai aimé ce métier, j'ai trouvé extrêmement difficile. J'ai admiré le courage et le professionnalisme de mes compagnons d'armes. Mais j'estime que ce qu'on nous a demandé de faire au Rwanda est indigne, que ça nous rend complices de génocidaires. Je ne peux pas l'accepter. Et quand je vois les gens s'ancrer dans le déni, je me dis juste, ça ne peut pas continuer. La France, complice des génocidaires. Comment comprendre les fondements d'une accusation aussi grave sans avoir toutes les pièces du puzzle? Certaines de ces pièces se trouvent dans les archives de l'État français. Mais malgré l'annonce de leur déclassification en 2015, une grande partie d'entre elles reste inaccessible. Vous avez rendez-vous dimanche soir avec le documentaire d'Histoire vivante. Il est intitulé « Retour à Kigali » et signé Jean-Christophe Klotz. Suite de l'entretien auprès de Laure de Vulpian, journaliste, auteur d'une longue série d'émissions sur le Rwanda en 2003 sur France Culture, et auteur également désormais d'une enquête intitulée « Silence turquoise » du nom de l'opération militaro-humanitaire engagée fin juin 1994 au Rwanda par le président François Mitterrand, opération dite « turquoise ». Point de départ de la suite de cet entretien, une date, le 27 juin 1994, où se trouvent les premiers soldats de l'opération turquoise. 220 hommes sur une mission qui doit en comporter 2500. Autre point de départ, un lieu, Bisesero, symbole de la résistance du génocide au Rwanda. Bisesero, c'est un lieu au Rwanda où, au début du génocide, 50 000 Tutsis étaient venus se rassembler pour se protéger. Et à la fin, le 30 juin, quand Thierry arrive, ils ne sont plus que 1000. En 3 mois, il y a eu 49 000 morts à cet endroit-là. Patrick de Saint-Exupéry, il est passé à Bisesero le 27 juin. Il restait 2000 Tutsis vivants. Thierry, il arrive le 30 juin, il n'y en a plus que 1000. Ce sont 2 militaires français. Qu'est-ce qui se passe là ? Saint-Ex raconte le 27 juin. Brutalement, un jeune Tutsi sort du groupe des rescapés, en proie à une colère extrême. Il désigne le guide rwandais des soldats français. Peut-être un chef des miliciens. Il a tué ma sœur et mon frère. Je le reconnais. C'était mon professeur. Oui, je l'ai vu. Un jour, il est venu avec le préfet de Kibouye. Et ils ont discuté longtemps ensemble. Après, c'est devenu encore plus difficile pour nous. La chasse à l'homme s'est intensifiée. Le lieutenant-colonel Diego ordonne à un soldat de protéger l'instituteur chef de milice. Il réglera ça plus tard. Pour l'heure, il faut partir. La nuit tombe. Nous allons revenir, assure-t-il aux réfugiés avec beaucoup d'émotion. Ne vous en faites pas. Dans 2 ou 3 jours, nous serons là. En attendant, il faut vous cacher et survivre. Comme les malheureux protestent, il ajoute. Pour l'instant, nous ne pouvons rien faire. L'important pour vous, c'est de survivre encore 2 ou 3 jours. On reviendra. On sait où vous êtes. Allez embarquer ! Patrick de Saint-Exupéry. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je prends mon ordinateur, je fais page blanche, Thierry Pregnaud, et je trouve son numéro de téléphone. C'est pas plus compliqué que ça. Mais personne d'autre que moi ne l'a fait. Après, il s'est fait mettre sur une liste rouge. Mais à l'époque, il n'y était pas. Je téléphone, bonjour, je suis journaliste. Je laisse un message et je me dis, il ne va jamais rappeler. Et une heure après, il rappelle. Est-ce que je peux vous rencontrer ? Avec plaisir. Je fais le voyage, je rencontre Thierry et on fait une première interview qui est diffusée sur France Culture. Je me disais, ça va faire du bruit. Ben non. Un silence bergmanien. C'est extraordinaire, mais il y a eu 2 ou 3 reprises dans des dépêches d'agence, Reuters, AFP. En quoi l'interview de 2005 pouvait-elle faire du bruit ? Qu'est-ce qu'elle contenait déjà ? Qui, normalement, selon vous, lors de Vulpian, aurait dû faire ricocher. On aurait dû comprendre, à partir de cette interview, qu'il y avait une inversion des choses, une inversion des rôles dans la présentation qui avait été faite de l'opération turquoise et du briefing des militaires. Ce que Thierry racontait, c'est voilà notre premier briefing. Par, à l'époque, le colonel Rosier, c'était les Tutsis zigouillent les Hutus. Le colonel Rosier, patron. C'était le patron du COS. Du COS, hein. Au Rwanda. Patron de l'opération. Ça, toujours dans le cadre de ces 10 premiers jours, hein, où il n'y a que 220 hommes. Donc, on leur présente une situation, mais j'ai compris après. On leur dit, en fait, c'est. Les méchants rebelles attaquent les gentils gouvernements. Et les gentils militaires qui sont nos amis, qu'on forme depuis des années. Donc, on vient se porter. Enfin, on vient pas se porter au secours des militaires. Mais tout est très ambigu. Des militaires s'adressent à des militaires et ils ont forcément un discours militaire. Ils peuvent pas leur tenir un discours humanitaire. C'est pas possible. Le discours humanitaire, c'est celui des politiques. Donc, déjà, les militaires qui vont être dans l'opération turquoise, eux, ils sont conditionnés de manière militaire, ils sont militaires. Et on leur a présenté les choses à la manière de notre alliance historique avec le régime rwandais Hutu. Et le régime, il est Hutu depuis 1959 ou 61. Mais pour revenir sur les militaires comme Thierry Pregnaud sur le terrain, il est vrai que avant Bicécéro et ce qu'il va découvrir, le début de leur marche est relativement fait d'invraisemblance, puisqu'on leur parle de se porter au secours des victimes, c'est le fait même de la mission humanitaire, et que ce dont ils entendent le plus parler, c'est d'agressions possibles arrivant de l'extérieur, qu'ils n'arrivent pas finalement eux-mêmes à voir, à percevoir. On leur parle de l'ennemi qui doit arriver. C'est un peu le désert des Tartares. Et puis l'ennemi, on ne le voit jamais. Voilà, il faudrait que 2 tableaux se superposent. Et en fait, ça ne fonctionne pas. Et ça devient manifeste et patent, en tout cas aux yeux de Thierry, quand il se retrouve le 30 juin à Bicécéro. C'est-à-dire, il croyait que tous ceux qui les acclamaient au bord des routes étaient les personnes menacées. C'est ce qu'on leur disait. C'était ceux-là qu'ils venaient aider. Et en fait, à Bicécéro, ils découvrent que Et non, ces gens qui les acclamaient étaient les tueurs, que ces gens-là leur mentaient déjà depuis une semaine, essayaient de cacher leur propre rôle et au contraire attendaient des militaires français qu'ils viennent les aider dans leur tentative d'éradiquer complètement les Tutsis du Rwanda. Lors de Vulpian, avant que Thierry Prugnot vous parle de la découverte à Bicécéro, vous-même aviez une idée de ce qu'ils ont découvert, ou il a fallu que vous passiez par ces mots à lui pour réaliser ce qu'ils ont eu devant leurs yeux? Alors, passer par ces mots à lui, c'était unique, extraordinaire, parce que voilà, il l'a pris, lui, en pleine figure. Et puis, j'ai pas rencontré que Thierry. J'en ai rencontré d'autres, des collègues de Thierry, qui ont aidé, qui ont confirmé, qui ont enrichi, détaillé, chacun apportant son expérience, etc. Philippe, par exemple, a été indispensable et nécessaire. Mais il y en a eu d'autres encore. Par contre, Bicécéro, je connaissais effectivement déjà, mais au travers des yeux d'un survivant. En 2004... au moment du 10e anniversaire du génocide, j'étais au Rwanda à ce moment-là, et Speciose Mukayiranga, dont j'ai parlé à propos du procès, hein, elle était partie civile dans le procès à Bruxelles, donc j'étais allée la revoir, je l'avais déjà revue en 2003 pour la série d'émissions. Speciose me dit: tu devrais aller voir Eric à Bicécéro. On est allé ensemble à l'ONU il y a une semaine pour faire passer la parole des rescapés. Tu devrais aller le voir. Et donc je suis allée à Bicécéro. J'ai rencontré Eric. Eric est finalement maintenant l'un des plaignants. L'un des six plaignants. Et Eric m'a raconté ce qu'il a vécu. Il est un des 1000 survivants sur 50 000. C'est comme, je veux dire, il faut juste prendre la mesure de ces chiffres. En 3 mois. Voilà. C'est énorme. Donc, le problème avec Eric, et jusqu'à Silence Turquoise, c'est que, en fait, personne n'avait encore expliqué, et les Rwandais ne pouvaient certainement pas le savoir, ils ne pouvaient pas le comprendre, c'est que Eric, il dit: moi, je comprends pas, j'ai vu des militaires français le 27, ils nous ont dit qu'ils allaient revenir, et ils ont mis vraiment du temps à revenir. Et ils sont revenus, mais entre-temps, il y avait quand même eu beaucoup de morts. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant 3 jours, ces Français? Ce qu'ils ne pouvaient pas savoir, c'est que ceux qui sont venus le 27, ce ne sont évidemment pas les mêmes. Ceux qui sont venus le 30, par exemple Thierry, ne savaient même pas que des collègues à eux étaient passés 3 jours avant. Ça, il faut que vous expliquiez, parce qu'il y a plein de gens qui sont largués, là. C'est difficile. Ouais, c'est très difficile. C'est très Alors, difficile. On va faire ça méthodiquement. On va rester quand même d'abord sur ma question. Vous avez le premier récit de... Restons sur le spectacle, si j'ose dire. Enfin, sur la vision. Bicécéro, vous en avez un premier récit par Eric. Le Rwandais. Et... c'est toute la difficulté de la richesse d'un récit. Beaucoup de témoins atténuent ce qu'ils ont pu voir, peut-être parce que les mots rendent très peu compte des événements, ou de quel mot utiliser pour décrire l'enfer, ou à quel mot avoir recours. Ah oui, surtout que les Rwandais ne disent pas tellement génocide, ils disent la guerre. Alors, lui, il vous en parle comment? Eric. Oui. Mais il raconte déjà la dureté de ces 3 mois de chasse à l'homme, avec des mots extraordinaires, qui décrivent tellement la réalité. Les Rwandais, ils ont une façon de parler qui est extrêmement imagée et qui vous décrit la réalité. On courait, ils nous couraient après, et nous, on était comme des petits oiseaux qui s'éparpillaient, qui s'envolaient de la colline. C'est comme ça qu'ils en parlent. Ouais. Voilà. Et donc lui, pendant 3 mois, il dit tous les jours, c'était peut-être pas tous les jours, mais Mais pendant 3 mois, ils étaient obligés de se cacher. Ils se privaient de tout, de nourriture, de faire du feu, de évidemment se laver. Bon, au début, ils étaient très nombreux. Ils étaient venus tous avec leurs vaches parce que les Tutsis sont des éleveurs. Ils ont une technique bien particulière, c'est qu'ils ont les vaches, ça leur permet de se nourrir. Bicécéro est un haut lieu de la résistance Tutsi, parce que bien évidemment, avant le génocide, il y a quand même eu des pogroms, des massacres anti-Tutsi, et notamment en 1973. En 1973, Bicécéro était un lieu de résistance. En 1994, tous les Tutsis y vont. Ils se regroupent, ils sont 50 000. Ils ont même une tactique guerrière, c'est extraordinaire. Ils mettent au premier rang les jeunes et les hommes vaillants avec ce qu'ils ont comme armes, c'est-à-dire des lances et des machettes. C'est un instrument agricole, la machette. Derrière, ils mettent les femmes et les jeunes filles, dont le rôle est de ramasser des pierres. Et tout derrière, ils mettent les vieux et les vieilles avec les troupeaux. Les troupeaux, c'est ce qui va leur servir effectivement à se nourrir pendant des jours et des jours. On trait la vache, elle donne du lait, on lui fait un petit coup de poinçon au garrot et on boit un peu de sang. C'est beaucoup de protéines d'un seul coup. Enfin voilà, voilà comment ils tiennent le coup. Et puis la nuit, ils vont faire des espèces d'incursions à la recherche de champs de patates douces en s'approchant d'un village, mais en se cachant, etc. Et donc ils arrivent à tenir le coup. Le problème, c'est que c'est venu aux oreilles du gouvernement, ce qu'on appelle le gouvernement intérimaire. Hein. C'est le gouvernement qui a pris la succession du régime Habyarimana, etc. Cette résistance, il faut absolument la réduire. Donc, le régime envoie le paquet. C'est-à-dire, ils vont mettre l'armée, ils vont mettre les interamoés, c'est-à-dire les milices, plus la population locale. Et ils vont même y aller avec des mitrailleuses, ce qui est quand même extraordinaire. Au Rwanda, il n'y a pas des mitrailleuses partout. Et donc, ils mettent tous ces moyens-là à Bicécéro, et c'est ce que les survivants de Bicécéro appellent la grande attaque des 13 et 14 mai. Et là, il y a d'un coup, en 2 jours, 20 000 morts. Ce que rencontre Thierry, qui va vous décrire à son tour, après Éric le Rwandais, Thierry le soldat français, ce qu'il va vous décrire de ce qu'il voit là, quel mot il utilise, comment il vous en parle? En fait, Thierry, il a eu une forme de révélation quelques jours avant. Il faisait leur ordinaire, là, en arrivant au Rwanda, c'était de faire des recos, comme ils disent, des reconnaissances. En fait, ils font du renseignement, mais pas du renseignement sophistiqué. Comment ils appellent ça? Du renseignement humanitaire. En fait, c'est du renseignement humain. C'est-à-dire, la source de renseignement, c'est des hommes. Ils vont au-devant des hommes et ils essayent de les faire parler. C'est très compliqué de faire parler des Rwandais, parce que la plupart des Rwandais ne parlent pas français, hein, surtout dans les zones rurales. Et là, on est en pleine zone rurale. On n'est pas à Kigali. Et donc, du coup, leurs interlocuteurs, ce sont des gens qui sont allés à l'école secondaire, parce que c'est là qu'on apprend le français. Ce sont des bourgmestres qui ne sont pas élus, mais qui sont désignés par le pouvoir. Ce sont donc des courroies de transmission du pouvoir. Et donc, tous les renseignements que les militaires français recueillent sont des renseignements que leur donnent les courroies de transmission du pouvoir. Donc, ce sont des faux renseignements, ou ce sont des renseignements... Les renseignements filtrés. Voilà, ouais. Terriblement filtrés et orientés. Et ce que les Hutus, les gens du pouvoir, veulent faire passer comme message aux Français, c'est « venez vite nous aider à gagner la guerre, parce que le FPR va la gagner alors que nous, on va être battus ». Et donc, les militaires français désinformés désinforment à leur tour involontairement leur commandement. Bon, donc, Thierry, tous ces jours-là qui précèdent Bicécéro, est au contact de tous ces gens qu'il n'identifie pas comme des Hutus proches du pouvoir. il trouve que c'est gênant, que de temps en temps, il y a des trucs, c'est assez bizarre, il sent pas bien les choses, il les trouve... Bah oui, prenons trop, des exemples. Trop bien grassouillés, bien nourris, voilà, bien habillés, bien propres, les cheveux bien... Ils ont pas l'air tellement menacés, etc. Bon. Et un jour, dans un groupe, il aperçoit un groupe important quand même, j'imagine 50 personnes, il aperçoit un type en haillons. Les cheveux longs, la barbe longue. Une tache dans le décor. Totalement. Un type qui détonne absolument et qui en plus a l'air terrifié. Et le type ne va même pas vers lui, mais c'est Thierry qui va vers lui et qui essaye de converser avec lui. Évidemment, il ne parle pas français, mais il lui fait comprendre à coups de grandes tapes sur l'épaule, bien visible pour que les autres le voient. Et toi, mon gars, t'es sous ma protection, je te protège, etc. Et vous, si jamais demain celui-là n'est pas vivant, ce sera de votre faute et je vous buterai. Il l'a pas fait, évidemment. Mais rien de tel qu'un message. Ce jour-là, Thierry a compris que ce qui manquait dans le décor, entre guillemets, c'était les Tutsis. C'était les vraies victimes. Ce jour-là, de manière presque consciente, il a eu la preuve que le tableau ne collait pas. Et tout ça sera confirmé deux ou trois jours après à Bicécéro. Voilà, subitement, c'est sa prise de conscience. Mais il en a peur de sa prise de conscience parce qu'elle remet tout en question. Elle remet tout en question, tout ce que les chefs disent et tout ce qu'il fait depuis quelques jours. Mais c'est compliqué pour un militaire de prendre le contre-pied. C'est pas du tout sa formation. Donc, il met ça dans un coin de sa tête. Il n'en fait pas état. Il n'en parle pas avec ses collègues. Il ne met pas ça dans son compte-rendu quotidien. Il faisait des comptes-rendus quotidiens à son supérieur hiérarchique immédiat, qui était à l'époque peut-être déjà marin gilier. Mais il le garde pour lui, quoi. Voilà. Ouais. Parce qu'il n'en a pas la preuve. Il faut aussi se remettre dans le contexte. Puis c'est trop frais. C'est plus une impression pour le moment qu'autre chose. C'est de l'intuition. Voilà. C'est de l'intuition. Et quelques jours plus tard... Et quelques jours plus tard, c'est Bicécéro. Et là, tout ce qui était sujet à interrogation se met en place. Il faut ajouter à ça le fait que le 28 juin, comme le livre qui fait presque 500 pages porte sur 10 jours... Je vous le confirme. Comme le livre porte sur 10 jours, on voit bien que la question, les dates sont importantes. Donc, le Bicécéro de Thierry, c'est le 30 juin. Le 28 juin, il arrive à Guichita, qui devient son camp de base, avec la totalité de son détachement, commandé par Marin Gillier. Et là, il y a des commandos marines, et puis le GIGN et quelques autres militaires. Et donc, il s'installe là. Guichita, ça se trouve à vol d'oiseau, à, je ne sais pas moi, 2-3 kilomètres de Bicécéro, en dessous. Et donc, ils s'installent là et ils font les recos habituels, reconnaissance, et ils cherchent du renseignement humain. Et donc, ils interrogent les Rwandais francophones. Et donc, tous leurs interlocuteurs leur disent, que ce soit à Guichita, à Mubuga, à tous les petits hameaux environnants, « Ah, c'est terrible, il y a 500 rebelles du FPR dans les montagnes, à Bicécéro, ils nous attaquent toutes les nuits, ils veulent notre peau, il faut nous protéger, il faut nous aider. » Je veux dire, un militaire qui est chargé de faire du renseignement, eh ben, il transmet ses informations à sa hiérarchie. Et donc, Bicécéro, Bicécéro, Bicécéro, c'est le mot qui revient dans toutes les bouches. Pour dire qu'il y a 500 militaires armés jusqu'aux dents, des rebelles du FPR. Donc, les gendarme, Thierry, dont la spécialité, là, la fonction à ce stade de l'opération, c'est de faire du renseignement, dit à son supérieur, Marin Gillier, il faut qu'on aille en reco à Bicécéro. Qu'est-ce qu'on lui répond ? Non. Interdit. Interdit. Et pourquoi ? Eh bien, parce que le mandat de Turquoise, c'est surtout de rester neutre, impartial. En dessous, en filigrane, c'est de ne pas se heurter au FPR, c'est d'éviter le contact. Et donc, c'est interdit de s'en approcher. Alors, c'est interdit de s'approcher du FPR. Ok, parce que ça peut provoquer des combats. Mais qui dit que ce sont des rebelles du FPR? Ce sont les fameux notables Hutus qui désinforment. Donc, je veux dire, le commandement est en train de prononcer des interdictions sur la base d'informations fausses. Thierry, Philippe, ils sont quoi? Ils sont une dizaine dans ce détachement à se rendre compte que c'est pas normal qu'on nous empêche de faire notre boulot. Nous sommes des spécialistes du renseignement, nous savons aller discrètement sur zone, recueillir des renseignements, revenir et donner l'information. Et même ça, on nous empêche de le faire. Donc, il y a une espèce de frustration qui se mélange progressivement à de la colère. Qu'est-ce que c'est que ces chefs? J'allais dire frustration et suspicion. Pas encore. Je veux dire, pour qu'en opération, un militaire suspecte sa hiérarchie, je pense que c'est très très rare. Là, on n'en est pas à de la suspicion. Je crois pas, vraiment pas. Par contre, de la frustration, oui, on peut pas faire notre boulot correctement. De la colère, oui, parce que on a l'air de quoi? On recule devant une obligation qu'on a. On est là pour sauver des gens, on est là pour rendre compte, on est là pour ouvrir les portes à nos copains qui vont arriver, nos collègues qui vont arriver plus tard. Parce que ce qui est prévu, c'est que le 1er juillet, les effectifs de l'opération Turquoise soient portés à un nombre bien supérieur. Il va y avoir d'autres unités qui vont arriver. Certaines vont rester à l'arrière, à Goma. D'autres vont venir sur le terrain au Rwanda. Et c'est ainsi que la Légion arrive le 30 juin, puis le RICM, enfin plusieurs unités de l'armée française. On attend jusqu'à 2000 hommes. 2500 hommes, 2500. Dont 1000 au Rwanda. Donc on va passer de 220 à 1000. Donc leur job, c'est de préparer le terrain. Donc ils comprennent pas que leur chef les empêche justement de bien faire le travail de renseignement. Et donc quand, après avoir essuyé un, puis deux, puis trois refus d'aller en reconnaissance, après qu'on leur ait fait faire une espèce de fausse reconnaissance le 29 juin, où on leur a interdit d'aller au-delà de telle limite, c'est-à-dire ils font quoi? Ils font 2 kilomètres à pied, même pas. On leur dit de rentrer. Donc, ils voient bien que, vraiment, c'est pas acceptable. Quand le soir du 29 juin, Marin Gillier dit « Et demain, on va à Guissovou », ils se disent « Ah, super, on va passer par Bicécéro ». Il y a Guichita en bas, Bicécéro au milieu, Guissovou en haut. Et on leur dit qu'ils vont tous aller faire une opération de distribution de biscuits vitaminés et de bouteilles d'eau à des gens qui sont en situation humanitaire précaire. Bon, on va passer par Bicécéro, on va regarder. Enfin, on va voir. Donc, tout le détachement se met effectivement en branle le lendemain matin. Et Gillier donne des consignes qui sont, et surtout, on trace, on va vite, parce que la zone est exposée. Soi-disant, il y a ces 500 rebelles armés jusqu'aux dents. Demain, suite de l'entretien auprès de Lord Vulpian, auteur en compagnie de Thierry Prugnot, de l'ouvrage « Silence turquoise, Rwanda 1992-1994 », Responsabilité de l'État français dans le génocide des Tutsis, un entretien déjà diffusé en mars 2014. Vivante, une émission proposée par Jean Leclerc, en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. avec aujourd'hui la participation de Jean-Philippe Tsvalen, Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacker et la voix de Jean-Marie Gerbert. Réécoutez podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez la première, il est 14h.